j'ai arrêté ma basse à moins 12 là. Thank you. t'entends pas beaucoup, toi. Non. C'est pas très fort. Thank you. Thank you.

Thank you.